Bienvenue pour l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fagette dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement d'économie locale. Chaque mois, nous abordons une thématique spécifique. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes en Lorraine. Alors bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco. Alors, comme chaque année, nous accueillons les étudiants donc du DCG. DCG pour diplôme de comptabilité et de gestion, qui est une formation délivrée au lycée Georges Latour à Nancy. Alors, ce DCG donc propose donc différents enseignements, dont des enseignements juridiques, en finance, en fiscalité, mais également en économie. Et c'est l'occasion pour ces étudiants de jouer le rôle de journaliste en herbe, avec pour objectif de vous présenter les plus grandes fortunes en Lorraine. En effet, chaque année, donc, le magazine Challenge présente les 500 plus grandes fortunes en France. Alors, quelles sont les plus grandes fortunes en Lorraine? On va commencer tout de suite par Aya et Sarah qui vont nous présenter le groupe Barrière. En effet, aujourd'hui, on va parler d'une famille qui a su marquer l'histoire de la Lorraine, mais pas que. La famille Desaigne Barrière, tu en as sûrement entendu parler. Bien sûr, Alexandre Barrière, le 132e plus riche de la Lorraine, ça fait rêver, non? Ok, il n'est pas dans le top 100, mais franchement, être 132e, c'est déjà un sacré accomplissement. Ça mérite qu'on s'y attarde. Carrément, et ce n'est pas arrivé par hasard. Derrière ce classement, il y a une vraie histoire de travail acharné, de choix stratégiques et d'une vision claire. Tu sais, tout a commencé dans les années 70 avec François Desaigne, le patriarche de la famille. Il a misé gros sur l'hôtellerie de luxe. Exactement, il a lancé des hôtels de prestige comme le Fouquet à Paris, un symbole de luxe à la française. Quand tu poses tes bagages là-bas, tu sais que tu n'es pas là pour une simple nuit, mais pour une expérience inoubliable. Mais ce n'est pas tout, ils ont aussi investi dans des domaines viticoles, créant des vins de haute qualité. Le Clos de la Barrière, par exemple, c'est une référence aujourd'hui dans le monde du vin. Mais ce ne sont pas juste des bouteilles qu'ils ont mis sur le marché. Ils ont construit des vignobles qui sont devenus des destinations en soi. Ce n'est pas juste du vin, c'est une expérience. Tu imagines, tu visites leur domaine et tu repars avec une bouteille que tu sais avoir été fabriquée dans des conditions de luxe absolu valant une 60aine d'euros. Et leur succès ne s'arrête pas là. Ils ont aussi investi dans l'immobilier de luxe, appartements haut de gamme, résidences privées, hôtels. Leur portefeuille est impressionnant. Et à chaque fois, l'emplacement et la qualité sont les maîtres mots. Ils sont également propriétaires de plusieurs casinos, dont le casino de Contrexéville en Lorraine. Oui, ils n'ont pas hésité à sortir des sentiers battus. Par exemple, ils ont acquis des chalets de luxe en montagne, dans des stations prisées, des endroits où tu peux te détendre, mais dans un cadre absolument somptueux. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'ils ont aussi réussi à se réinventer sans cesse. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le moment de parler de l'hôtellerie éco-responsable. Et là encore, la famille Barrière a misé sur l'avenir avec des projets comme le Palais Barrière de Dinard, un hôtel 5 étoiles qui respecte l'environnement, ses luxes et respect de la planète. Ah, et franchement, leur capacité à se réinventer, c'est quelque chose. Ils sont allés au-delà de l'hôtellerie traditionnelle. Des hôtels intelligents, des smart hôtels où tu contrôles ton séjour directement depuis ton téléphone. La lumière, la température ou l'ambiance, totalement connectés. Oui, ça c'est vraiment de l'innovation. Et tu sais quoi? Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont toujours su rester discrets. Pas de fanfare, pas de couverture médiatique. Leur succès, c'est avant tout une question de travail et de vision à long terme. Ils ne sont pas du genre à chercher la lumière, mais à bosser dans l'ombre. Et franchement, c'est ça qu'on doit retenir. La richesse, ce n'est pas juste une question de chance ou de timing parfait. C'est une série de choix intelligents, de risques maîtrisés et surtout d'un travail acharné sur le long terme. Oui, et pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être là que ça devient intéressant. La clé de la réussite, c'est pas juste de gagner de l'argent rapidement, c'est d'investir intelligemment, d'avoir une vision à long terme et de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et c'est ce qu'ils ont fait. La famille Barrière, c'est le parfait exemple que peu importe d'où tu viens, c'est ce que tu fais de ta vie qui compte. C'est une belle conclusion. Hein, donc, cette famille, effectivement, Barrière, je vois une société donc diversifiée, hein, si je retiens, donc domaine viticole, casino, appartement de luxe. Hein, donc, c'est une belle réussite et j'ai apprécié votre conclusion, hein, à savoir que la richesse, ce n'est pas justement une question de chance, ce sont des choix intelligents. Effectivement, une entreprise, elle doit faire des choix stratégiques. Voilà, maintenant on va retrouver donc Arnaud, Zoé et Maëva qui vont nous présenter d'une manière un peu originale le groupe Thirier. Bonjour Zoé, bonjour Maëva. Désolée du retard, j'ai dû acheter des produits surgelés pour ce soir. Tu as été à Picard? C'est la meilleure chaîne de surgelés en France. Non, pas du tout, j'étais chez son concurrent direct, Thirier. Son PDG, c'est la 315e personne la plus riche de Lorraine. Ah oui Thirier, j'ai vu passer quelques articles dessus récemment. Son histoire est vraiment intéressante. Vous saviez qu'à l'origine, c'était une simple pâtisserie familiale vosgienne? Oui, je l'ai vu aussi, et ce n'est que dans les années 60 que Claude Thirier, le fils du fondateur, a décidé de se lancer dans le surgelé. Aujourd'hui, sa fortune s'estime à 350 millions d'euros en 2024 et emploie plus de 3000 personnes. Ah oui? Je ne savais pas tout ça. Et comment ils ont réussi à autant se développer ? Je crois que c'est surtout dû à leur système de livraison qui les a popularisés. Les gens étaient contents de ne plus avoir à se déplacer. Vous saviez qu'en 2024, ils ont réalisé 800 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est vraiment impressionnant quand on sait qu'au départ, c'était une pâtisserie locale. Ils doivent avoir un ingrédient secret pour faire revenir les consommateurs, c'est sûr. Non, c'est à mon sens grâce à la qualité de leurs produits. Leur recette reste artisanale malgré la demande à laquelle ils font face. Les consommateurs veulent des produits de qualité. Et puis, il faut dire qu'ils sont présents à toutes les étapes du repas. Entrée, plat, dessert, et s'adaptent à plusieurs régimes avec des produits bio et végétariens. Leur gamme de choix est large et tout le monde peut trouver son compte. Maintenant que vous le dites, ça paraît plus crédible qu'un ingrédient secret. Je peux même rajouter qu'à chaque fois que j'y vais, je suis très bien accueillie. Ça donne vraiment envie de revenir. C'est vrai, même au niveau du prix, en tant qu'étudiant, on peut se permettre de manger des bonnes choses pour un prix raisonnable. En plus, on n'a pas forcément besoin de se déplacer en magasin. Ils ont un catalogue en ligne vraiment pratique. On peut voir s'il y a des promotions ou autres en quelques clics. En fait, ils ont combiné l'authenticité, la qualité et la diversité pour se démarquer et instaurer une relation de confiance avec les consommateurs. Ils ont vraiment bien réussi dans leur domaine, malgré le géant Picard déjà présent. Oui, c'est clair. On ne peut que féliciter Claude Thirier pour sa réussite. Bon allez, je vais devoir y aller. Il faut que je termine mes emplettes. Je dois mettre ce que j'ai déjà acheté tout à l'heure au congèle. Et puis, je dois aller chercher la boisson pour ce soir. Tu n'en as pas acheté tout à l'heure ? Ils font des bières maintenant chez Thirier, tu le sais ? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est un partenariat avec My Beers qu'ils ont fait. J'en ai goûté une la dernière fois. Elle était vraiment bonne. Ah bon ? Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Je fonce à Thirier tout de suite. On se voit ce soir. À ce soir. Ben, merci pour cette présentation donc originale du groupe Thirier. Alors moi, j'ai appris effectivement qu'ils vendaient de la bière maintenant et même du vin. Parce que moi, je suis allé chez Thierry récemment acheter effectivement des produits surgelés et ils se sont donc diversifiés. Donc une belle réussite. Merci de nous avoir présenté ce succès vosgien de Claude Thierry. Très bien. Et alors, je crois, Sarah, que vous avez un coup de cœur musical. Oui. Alors, quel est votre choix ? C'est numéro 1 de Bosca B. Très bien. Bah, écoutez votre coup de cœur musical. Saper, bébé invité sur Boubou Scapé. Je suis la bébé, tu es prêt, tu formatais. Dans les 11 à suivre, tiens bien, j'étais numéro 1 comme mes bras connatés. Je suis la défense, je gère mon karaté. Bébé se raccroche à moi, j'ai caractère. Ah, ils se sont touchés là en vrai. Il veut la fame, il veut me coller. Et dans le game, est-ce qu'on le connaît? Et quand je shake, shake, shake, il fait la folie. Il veut me booster, ça a tiré mon tissage en nous, baby. Et bien maintenant, on va retrouver un groupe que vous connaissez certainement, c'est Car Avenue. Il est dirigé donc par Stéphane Bailly et c'est Paul, Théo et Grégory qui vont nous présenter donc cet investisseur. Bonjour, nous allons vous présenter Stéphane Bailly qui a une fortune estimée à 310 millions d'euros et qui est classé notamment 424e du classement des personnes les plus riches de France. Bailly est le dirigeant de Car Avenue depuis 2006, qui est une entreprise familiale fondée en 1920 et qui est implantée en France, en Suisse et en Belgique. Cultivant le goût du travail bien fait, la culture du terrain et la qualité des services, il entame le développement de la société dans une logique d'intégration en passant de 12 à 130 concessions et services en 2023. Renommé Car Avenue en 2016, le groupe Bailly compte aujourd'hui 2700 collaborateurs et commercialise 60 000 véhicules sur la grande région. L'augmentation des concessions s'explique par une diversification des services proposés, passant d'un simple distributeur économique à proposer des services de location, de distribution de pièces et de bornes de recharge. Nous pouvons prendre exemple de Car Avenue à Léménil, qui propose plus de 30 000 références de pièces pour réduire les délais d'immobilisation des véhicules. Ils ont également développé des services uniques comme Jantes Alu Service, la seule activité de réparation de jantes dans le Grand Est, répondant à la demande croissante des assureurs qui préfèrent la réparation au remplacement et permettent aux clients de leasing de réparer leur véhicule avant la restitution de celui-ci. Et enfin, nous pouvons parler de Car Avenue Ecomobile, qui propose des véhicules utilitaires et des scooters électriques. Cette stratégie de diversification vise à réduire la dépendance du chiffre d'affaires de Car Avenue à la vente de véhicules neufs, qui représentent actuellement 2/3 de leurs activités. Car Avenue compte évoluer vers l'électrique. Il collabore pour cela avec des constructeurs automobiles. Cette électrification va modifier le business model d'après-vente, car les interventions à réaliser au moment d'entretien d'un véhicule électrique diffèrent d'une thermique, comme par exemple les contrôles de batterie qui vont remplacer les vidanges moteurs. Effectivement, elles ont aussi pour accompagner cette transition formé leur personnel et disposent des habilitations nécessaires. Par ailleurs, des études démontrent que Caravenue sera résilient sur le marché thermique bien au-delà de 2030. Et enfin, pour conclure, ils ont créé en 2022, au vu de cette transition, Caravenue Watt, qui va développer des bornes de recharge dû au nombre insuffisant de ces derniers comparé au nombre de véhicules électriques vendus. Alors c'est intéressant donc de voir dans votre portrait l'évolution du groupe de Caravenue qui donc s'inscrit dans une logique donc de développement durable, alors pas seulement en s'intéressant à l'électrique, mais aussi en préférant donc la réparation au remplacement. Donc c'est une bonne orientation que ce groupe Caravenue, donc dirigé par Stéphane Bailly. Bien, on remercie Paul, Théo et Grégory pour cette présentation. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Autre société donc très connue, c'est Chaussea, et il faut le savoir, c'est donc Gaëtan Grieco qui a lancé donc cette entreprise, et c'est maintenant donc Sarah et Ingara qui vont nous présenter cette société. 677 millions d'euros, c'est la fortune de Gaëtan Grieco, fondateur de Chaussea. Effectivement, très belle réussite. Enfant d'ouvrier, il a commencé à vendre des chaussures sur les marchés. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui compte 640 magasins et 4200 collaborateurs. À 61 ans, Gaëtan Grieco, le président fondateur de Chaussea, en a toujours sur la semelle. Faisons un bref retour historique. Tout commence dans les années 80. Gaëtan Grieco, alors âgé de 20 ans, sans expérience, passionné par la chaussure depuis une expérience dans une fabrique de chaussures en Italie, décide de vendre des mocassins en cuir sur les marchés. Malheureusement, le produit n'est pas adapté et c'est un échec. Comme disait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Justement. Une connaissance de son père a une usine dans le sud de l'Italie et fabrique des baskets. Gaëtan a une illumination. Il va vendre des baskets sur les marchés et pour s'approvisionner, il va faire des allers-retours entre la France et l'Italie. Le produit est adapté et est au bon prix. C'est une réussite. En effet, en 1984, c'est l'ouverture de son premier magasin à Valleroy, près de Metz en Lorraine. Tout en continuant les tournées sur les marchés, il continue de perpétuer son activité. Puis, en 1987, c'est l'ouverture du deuxième magasin qui voit le jour, cette fois-ci à Famec, en Lorraine, dans un centre commercial. Enfin, en 1990, les ouvertures s'accélèrent avec une fréquence de 2 à 3 magasins par an. Au cours des années 90, l'enseigne évolue pour enfin devenir Chaussea. Ensuite, la société connaît une croissance externe. Pourquoi externe ? Ça veut dire qu'elle se développe à l'international ? Pas du tout. On distingue la croissance interne qui repose sur l'ouverture de ses propres magasins de la croissance externe qui, elle, repose sur le rachat d'autres entreprises pour se développer plus vite. Ainsi, Chaussea va racheter l'enseigne Renault, Chaussurama et Multichausse. Et ainsi, en 2010, Chaussea passe la barre des 200 magasins et se développe. Puis, en 2010, Chaussea ne pouvait pas ignorer Internet et se lance alors dans la vente en ligne. Puis, elle fait la reprise de 126 magasins, la Halle, et Chaussea devient alors leader de la chaussure en France. Avec 500 magasins en France et à l'étranger, Chaussea poursuit son développement. Et c'est le début d'une success story. Eh bien, il y a un bel success story. Et ça démontre finalement que pour réussir dans la vie professionnelle, il ne faut pas forcément de diplôme, mais il faut de la persévérance et de la motivation. Et donc, Gaëtan Grieco a marqué effectivement donc l'industrie donc de la chaussure. Merci donc à Ingara et Sarah pour cette présentation. Alors Sarah, je crois que vous avez un coup de cœur musical à diffuser sur les antennes de Radio Fadjet. Oui, effectivement, Ciel de Maître Gims. Eh bien, on retrouve tout de suite votre coup de cœur musical. Ciel, ciel, ciel, ciel, ciel. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. On va maintenant retrouver donc Mathéo, Thomas et donc Loïc qui vont nous parler donc du groupe Michaud. Je suis ravi de vous accueillir pour vous parler de monsieur Benoît Michaud. C'est d'ailleurs, est-ce que vous le connaissez ? ce n'est pas un des hommes les plus riches de Lorraine ? Si, tout à fait. Il a même une fortune estimée à 750 millions d'euros, il me semble. Exactement, vous êtes bien renseigné. Quelqu'un de vous connaît son classement en France en termes de richesse ? C'est le fondateur de Lorraine Menteur, donc je suppose qu'il doit être bien classé, oui. C'est ça, il est 174e. Mais c'est quoi exactement Lorraine Menteur ? C'est le groupe créé justement par Benoît Michaud, son groupe qui comporte 120 entreprises. Et quelles sont les activités de ces entreprises ? Pour résumer, les différentes entreprises du groupe couvrent plusieurs secteurs, comme la restauration, le textile ou encore les agences immobilières. Mais la fonction principale du groupe, c'est le mentorat, c'est-à-dire qu'elles assistent les entreprises dans les démarches compliquées, comme le juridique, le recrutement. Et quel a été son parcours scolaire avant d'en arriver là ? Il a eu son BMP en géomètre, puis il a débuté comme commercial chez Essilor. Et comment a-t-il décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Il y a été au culot, son autodidacte l'a poussé à se lancer dans l'immobilier à son propre compte à Nancy dans les années 90. Et c'est à partir de là que son empire s'est créé. Et concrètement, à quel âge il a commencé tout ça ? Il avait 28 ans. Et il est toujours à la tête du groupe ? Malheureusement non, l'année dernière, en fin janvier, il a cédé son groupe à deux de ses trois enfants, Pierre et Stéphane. Mais généralement, les personnes avec une certaine notoriété défendent une cause importante. C'est également le cas pour M. Benoît Michaud ? Oui, exactement. M. Michaud, il défend la cause des abeilles, car la santé des abeilles est symptomatique par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que quand l'abeille meurt, l'environnement autour d'elle va très mal. Donc pour lui, l'abeille est le pouls du monde, de la météo et de la pollution. Précisons d'ailleurs que son père et son grand-père étaient aussi apiculteurs. Alors, merci pour cette présentation du groupe Michaud. C'est vrai que quand on parle du groupe Michaud, on pense à l'immobilier, mais j'ai découvert effectivement qu'ils étaient présents dans d'autres secteurs d'activité, comme la restauration, le textile, et puis ils ont une activité de conseil importante, hein, et puis aussi une passion autour des abeilles. Eh bien, merci pour votre choix de ce groupe, effectivement, le groupe Michaud. Eh bien, après le groupe Thirier, tout à l'heure, on va retrouver donc le Cœur des Vosges. Pour nous présenter maintenant, on va retrouver donc Juliette, Enissa et Nadiré qui vont nous parler du groupe Moffret. Alors oui, nous allons parler du groupe Moffret qui est né au Cœur des Vosges et qui s'impose aujourd'hui à l'international avec une fortune qui est estimée à 300 millions d'euros. En effet, de l'entreprise familiale fondée par Maurice Moffret en 1964, devenue un géant européen avec plus de 5000 collaborateurs et une cinquantaine de sites, il y a un sacré chemin parcouru. Mais alors, qu'est-ce qui explique leur fort développement ? Donc du côté du transport, l'entreprise Moffret a débuté dans l'acheminement du bois des Vosges vers Paris, mais elle a su rapidement se diversifier et aujourd'hui le groupe dispose d'une diversification impressionnante. Ils ne font pas que du transport routier, mais aussi de la location de véhicules avec conducteur, du conseil, du transport multimodal et d'autres activités encore. Ils ont su répondre à la demande dans différents secteurs autour du transport, comme l'agriculture, le BTP, l'industrie et même l'environnement. Justement, concernant l'environnement, nous savons que les émissions de CO2 sont en partie responsables des effets de serre qui provoquent le réchauffement climatique. Comment l'entreprise Moffret a su répondre à cette problématique vu que les transports routiers concernent un quart des émissions mondiales de CO2 ? Le groupe Moffret a su réagir aux problématiques environnementales tout en restant compétitif. En 2012, par exemple, il est le premier à lancer sur les routes le camion à gaz roulant. Et aujourd'hui, il continue d'innover et dispose d'une flotte de plus de 250 véhicules roulants au gaz et dispose à ses clients des offres avec des énergies telles que le biogaz ou le biodiesel. Leur dernière mesure phare a été l'inauguration en 2020 de la première station gaz pour ses poids lourds. Oui, on sent que l'environnement est devenu une priorité pour eux. Mais ils ne s'arrêtent pas là, n'est-ce pas ? Et n'oublions pas leur rôle dans la formation. Leur Moffret Academy, c'est 2000 personnes formées chaque année. Ils investissent dans leurs collaborateurs, et ça, c'est un point essentiel pour rester compétitif et innovant. Clairement, et côté expansion internationale, ils ont frappé fort récemment avec leur implantation en Italie, grâce à l'acquisition de la Netatuto, une société de transport italienne. Ça renforce leur présence en Europe et montre leur objectif d'internationaliser leurs activités. Et justement, parlons aussi de leur engagement social. Avec la fondation de Moffret, créée en 2017, ils soutiennent des projets dans la santé et l'éducation. Une belle manière de refléter leurs valeurs familiales et leur attachement à l'humain. Vous savez, c'est rare de voir une entreprise combiner aussi bien performance économique, innovation environnementale et engagement social. Le groupe Moffret est un exemple à suivre. Un exemple lorrain qui s'exporte et montre la voie. C'est clair. Et en effet, vous avez raison de dire que effectivement, c'est rare les sociétés qui cumulent performance économique, environnementale et sociale. C'est ce qu'on appelle la performance globale en économie. Et bien, merci donc pour cette présentation du groupe Moffret, donc un groupe qui au départ donc était là aussi spécialisé dans le transport routier, qui s'est diversifié non seulement en France mais aussi à l'international. On va maintenant retrouver donc trois autres étudiants, donc Chloé, donc Jules et Hugo, qui vont nous parler d'une famille très connue, la famille Wendel, donc une célèbre famille industrielle, qui se classe donc à la 83e position au niveau donc des fortunes de France. Alors on vous écoute tout de suite. Donc en effet, on va vous parler de la famille de Wendel, une famille ancrée dans l'histoire de la Lorraine depuis trois siècles. Donc la famille de Wendel, c'est en particulier des maîtres de forge qui ont su imposer leur nom au début du 18e siècle, et qui est encore présente aujourd'hui dans notre industrie. Est-ce que vous pouvez me dire d'où provient la richesse et la renommée de cette famille ? Bien sûr, tout a commencé en 1704 par l'acquisition de la forge Rodolphe à Hayange par Jean-Martin de Wendel, qui est devenu ainsi le premier maître de forge de la famille. Cela a permis à la famille de se développer et de prospérer dans l'exploitation sidérurgique avec l'acquisition d'autres forges. Peux-tu nous en dire plus sur la sidérurgie ? Bien sûr, alors la sidérurgie, c'est le procédé industriel qui permet de produire de l'acier à partir de minerais tels que le fer ou le charbon. Ça comprend la transformation du fer en fonte puis en acier. Cette production a été davantage présente dans le Grand Est grâce à ses terres riches en minerais. Mais combien de personnes regroupent cette famille ? La famille de Wendel regroupe aujourd'hui environ 1400 membres. Ils sont regroupés au sein de la société Wendel Participation SE qui détient 39,6% du capital de la société Wendel. À cette époque, où la famille a-t-elle pu trouver des opportunités de marché ? Alors à cette époque, les De Wendel étaient les fournisseurs de l'armée de Napoléon Ier et participaient aussi à la révolution ferroviaire qui s'est déroulée un petit peu après et en étant fournisseurs attitrés de compagnies de chemin de fer. Comment la famille a-t-elle fait pour perdurer dans le temps ? La famille a subi quelques coups durs, donc le premier en 1789, après la révolution française, où elle voit ses usines vendues en tant que biens nationaux. Mais plus tard, en 1803, ils rachèteront tous leurs anciens biens. En 1871, la Lorraine s'est fait annexer par l'Allemagne. La famille s'est retrouvée divisée en deux parties pour produire soit dans la Lorraine annexée, pour l'autre part de la famille, pour la France. Et entre les deux guerres, la famille a connu son apogée en produisant presque un quart de la production d'étain. Après la Seconde Guerre mondiale, la famille subit un deuxième coup dur. Toutes les forges sont détruites et il faut les reconstruire. La famille fait face à ses premières difficultés. En 1978, le gouvernement Raymond Barre prive les Wendel du contrôle du groupe sidérurgique lorrain par une nationalisation de fait. En 1979, la société Wendel abandonne la sidérurgie et devient une société d'investissement. Aujourd'hui, la famille de Wendel a donc évolué d'une dynastie sidérurgique à un acteur majeur de l'investissement financier. Très bien pour cette présentation de la famille Wendel. C'est vrai qu'on associe souvent la famille Wendel à la sidérurgie et je ne savais pas que depuis 1979, eh bien, la sidérurgie effectivement a été abandonnée. Ça semble logique, hein, et avec donc aujourd'hui une entreprise qui a consacré donc son activité à la finance. Et puis la famille Wendel fait partie des grandes familles françaises comme la famille Mulliez. Je ne sais pas si vous les connaissez, la famille Mulliez avec le groupe Auchan en France par exemple. Voilà, donc merci pour cette présentation. Alors vous avez donc également choisi donc un coup de cœur musical. Alors Jules, quel a été votre choix ? Alors on a choisi Hier encore de Aznavour. Ah ben au moins on va retrouver un classique de la chanson française. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis. que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Alors maintenant, on va retrouver donc Noah et Amine qui vont nous parler de Charles Ruggieri et de sa famille et qui sont classés donc en 78e place pour le classement des familles les plus riches en France. Charles Ruggieri est un entrepreneur français d'origine italienne, reconnu pour son parcours dans le secteur immobilier et médico-social. Donc c'était un fils d'ouvrier sidérurgiste italien qui a gravi les échelons grâce à l'ascenseur social. Son environnement l'a fortement influencé sur les enjeux sociaux et économiques des classes populaires. Après avoir obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées et un doctorat en droit à Nancy, au début des années 1970, il entame sa carrière en tant que cadre dans l'immobilier pour un groupement d'entreprises sidérurgiques en Lorraine. Il a été chargé de la restructuration de 25 000 logements dans une région confrontée à une crise industrielle. Pendant une décennie, il a dirigé trois sociétés issues de cette restructuration, Batibuy, Batipart et Batiger. Dans les années 1980, Charles Ruggieri joue un rôle déterminant dans la transformation du secteur immobilier social en Lorraine. En 1985, il restructure l'entreprise Batiger, initialement créée en 1947, pour gérer le patrimoine immobilier des industries sidérurgiques lorraines. En 2001, ensuite, Charles Ruggieri décide d'explorer le secteur médico-social en créant le groupe Korian. Ce projet naît à partir du rachat de 7 maisons de retraite situées à Besançon, dans l'est de la France, en raison du vieillissement de la population européenne. Nous avons pu retrouver un extrait qui témoigne son envie d'aider ce secteur. C'est pas parti d'une grande analyse stratégique, mais c'est plus parti de trois sujets auxquels je suis très sensible et auxquels je crois beaucoup. D'abord, le sujet de la démographie. Moi, je crois que l'évolution des sociétés, elle repose sur des projections durables, comme des grandes vagues profondes, et il faut toujours essayer d'accompagner plutôt que de se battre contre elles. Le deuxième point, c'est que les personnes âgées, c'est un vrai besoin de société. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant d'essayer d'y apporter du professionnalisme, une certaine taille et une certaine géographie. En 2014, Charles Ruggieri amorce une phase de transition importante en quittant son rôle de directeur général du groupe Korian qu'il avait fondé en 2001. Il reste tout de même actionnaire et investisseur. Ce départ de la direction opérationnelle n'indique pas un désintérêt pour l'entreprise, mais plutôt une volonté de se concentrer sur d'autres projets. Après 2014, bien qu'il n'occupe plus de rôle exécutif, Charles Ruggieri continue de suivre l'évolution du groupe Korian qui poursuit son expansion et joue un rôle d'influence en tant qu'actionnaire. En 2024, sa fortune était estimée à 1,6 milliard d'euros, le plaçant en 78e position des fortunes françaises. Ben voilà, on en sait un peu plus donc, sur cette belle réussite que le groupe Korian, un entrepreneur qui a su anticiper les principales évolutions en investissant notamment, hein, si j'ai bien compris, dans les logements sociaux, mais aussi dans les établissements, des EHPAD ou maisons de retraite. Eh bien, merci Noah et Amine pour cette présentation. Et voilà, donc ainsi se termine cette émission de l'Instant Économie, donc consacrée aux grandes réussites et grandes fortune dans le Grand Est. Merci bien sûr aux étudiants donc, du lycée Georges de la Tour qui préparent donc, le diplôme de comptabilité de gestion, donc diplôme d'expertise comptable, pour avoir donc, co-animé cette émission. On se retrouve donc, bien évidemment donc, le mois prochain. Et si vous avez pris l'émission en cours, n'oubliez pas de nous retrouver donc, tout au long de ce mois en replay sur le site de Radio Fadjet. A très bientôt donc, pour une nouvelle émission de l'Instant Éco sur Radio Fadjet.